Si l'on connaît les œuvres du studio Ghibli par le travail du réalisateur Hayao Miyazaki, il serait facile d'oublier le rôle d'Isao Takahata. Et pourtant, l'autre pierre angulaire du studio d'animation japonaise est certes moins productif en nombre que son éminent collègue, mais la qualité est à chaque fois au rendez-vous. L'intérêt de s'arrêter ici sur Pompoko. Film sorti au Japon en 1994, Pompoko raconte le combat des Tanuki, considérés comme des esprits de la forêt et représentés par des ratons laveurs, pour la sauvegarde de leur environnement. L'intrigue se déroule dans les années 60, au moment où le pays du soleil levant est en pleine croissance avec un besoin urgent de logement. Dès lors s'enclenche un duel entre les Tanuki, qui ont la possibilité de se transformer au gré de leur imagination, et cette inexorable destruction de la forêt. On se prend dès lors d'affection pour cette lutte digne de Don Quichotte, avec des personnages hauts en couleur. Le film est un vrai bouillon d'émotions, passant du rire aux larmes, il apporte à sa façon une réflexion autour de l'écologie et du respect de l'environnement, d'une manière différenciée de son éminent collègue. Il s'agit au final d'une véritable bouffée d'oxygène qui reste totalement dans l'air du temps, même 21 ans après sa sortie.